إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le premier cours du nouveau livre que l'on commence, un livre intitulé Al-Mulakhasu في شرح كتاب التوحيد, un livre du Cheikh, de l'éminent savant Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى, qui fait partie des immenses savants de notre époque et qui sont, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, encore vivants au moment où je vous parle. Donc c'est un livre qui explique كتاب التوحيد de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. L'introduction du livre. Il dit, hafidhahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Fahada sharhun mujazun ala kitab al-tawhid. Li shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Donc le Cheikh hafidhahullah dit que la louange d'Allah, la louange appartient à Allah seul, et que la prière et le salut soient sur celui qui n'est suivi d'aucun autre prophète, à savoir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite je dis, ceci est une explication brève et concise du livre Kitab al-Tawhid du Cheikh de l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. كتبته على الطريقة المدرسية الحديثة. Je l'ai écrit, j'ai écrit ce livre en utilisant la méthode d'enseignement contemporaine afin ليكون أقرب إلى أفهام المبتدئين, afin que cela soit mieux compréhensible pour les débutants. وأرجو الله أن ينفع به وأن يكون إسهاما في نشر العلم وتصحيح العقيدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان. Et j'espère d'Allah عز وجل qu'il en fera profiter et qu'il sera un moyen de diffuser la science et de corriger la croyance, et que le salut d'Allah et sa prière soit sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons, Salih ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Thumma yaqul, nubdatun mujazatun an hayatil mu'allif. Un petit aperçu de la vie de l'auteur, qui est Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. نسبه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي من آل مشرف من قبيلة بني تميم المشهورة وإمام الدعوة السلفية في نجد وغيرها. نسبه sa descendance ou sa lignée, c'est le Cheikh Mohammed ibn عبد الوهاب Ibn Sulayman ibn Ali, qui fait partie de la famille de Mashraf, qui est une tribu de Banu Tamim, min qabilati Bani Tamim, Et la Qabila de Banu Tamim est une tribu qui est extrêmement populaire en Arabie, notamment dans la région de Riyad. Et c'est l'imam de la da'wa salafiyya. C'est l'imam du prêche salafi, de la da'wa salafiyya à Najd, qui est la région de l'est de l'Arabie, wa ghayriha, et les autres régions également. Et regardez comment Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, décrit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab comme étant l'imam de la da'wa salafiyya. Et ensuite, certaines personnes viennent prétendre que Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, rejette cette appellation et n'autorise pas de se prétendre salafi. Ceci n'est qu'un mensonge qui est forgé sur Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, ou c'est une mauvaise compréhension de ses paroles. Et comme le dit le sha'ir, wa ahlahuma murru. Et la plus douce de ces deux raisons est amère. Nash'atuhu wa ilmu. Sa vie et sa science. Wulida fi baldati al-Uyaynati qurba madinati Riyad sanata 1115 wa hafiz al-Qur'an al-Karim wa huwa saghir وتتلمذ على والده قاضي العيين في وقته وعلى غيره من مشاهير علماء نجد والمدينة والأحساء والبصرة فأدرك علما غزيرا أهله للقيام بدعوته المباركة في وقت انتشرت فيه البدع والخرافات والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار. Il est né, رحمه الله, dans la ville, dans le village appelé Al-Uyayna, qui est proche de la ville, de la capitale actuelle qui est Riyad. Ceci en l'an 1115 de l'Hégire. Il a appris le Coran en étant petit et il a étudié la science tout d'abord sur son père qui était le juge de Uyayna à cette époque. Mais il a appris également la science d'autres savants réputés parmi les savants de Najd, de Médine, de l'Ahsa, de l'Basra. Il a accumulé une science énorme, rahimahullah ta'ala, qui lui a permis de prendre en charge l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et à entreprendre sa da'wa bénie. Dans une époque, car l'époque dans laquelle vivait Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, était une époque dans laquelle les innovations, les choses fausses étaient répandues. Les gens demandaient la bénédiction des tombes, des arbres, des pierres. فقام رحمه الله بالدعوة إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله. Il a alors fait son prêche. Quel était le prêche de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab? C'était d'appeler à rectifier la croyance et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer, et ceci en toute sincérité. وألف عدة كتب من أشهرها هذا الكتاب كتاب التوحيد فقد لقي قبولا عظيما لدى العلماء والمتعلمين. Il a écrit de nombreux livres et parmi ces livres qui sont les plus connus et les plus réputés, le livre du Tawhid, كتاب التوحيد, qui a connu une acceptation immense, ou qui a été acceptée par les savants et par les enseignants. وَاَعْتَنَوْ بِهِ دِرَاسَةً وَشَرْحًا فَهُوَ كِتَابٌ بَدِيعُ الْوَضْعِ عَظِيمُ الْفَائِدَةِ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ خَلْقًا كَثِيرًا. Et ces savants et ces enseignants ont donné une importance particulière à ce livre, Kitab al-Tawhid. Ils l'ont étudié et enseigné et expliqué C'est un livre qui est unique en son genre, qui renferme de nombreuses morales et de nombreux bénéfices. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait profiter de ce livre un nombre conséquent de personnes. وقد بقي الشيخ طيلة حياته معلما وداعيا إلى الله آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. Et ainsi a persisté le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab durant le reste de sa vie en enseignant, en appelant à Allah subhanahu wa ta'ala, en ordonnant le bien et en interdisant le mal. إلى أن توفي في الدرعية قرب مدينة الرياض سنة 1106 من الهجرة وقد تخرج على يده عدد كبير من العلماء وأئمة الدعوة أجزل الله له الأجر والثواب وجعل الجنة مثواه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Il a persisté ainsi, rahimahullah, jusqu'à décéder dans la ville de Dar'iyya, proche de la ville de Riyad, en l'an 1206 de l'Hégire. Et sont sortis de son école et de son enseignement un nombre immense de savants et d'imams dans la da'wah. Qu'Allah lui décuple la récompense et qu'il fasse du paradis sa destination finale, et qu'Allah prie et salue sur son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Et vous allez en entendre des vertes et des pas mûres sur l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et beaucoup sont qualifiés de wahhabites ou le wahhabisme en taxant ces personnes de sectes, tout d'abord, qui ont pour gourou Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, des personnes qui ne prient pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui font fuir les gens de l'amour que l'on doit avoir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci en prétextant que ces personnes interdisent de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ils taxent également le wahhabisme et les wahhabites, entre guillemets, de personnes qui rendent mécréants les musulmans. Que ceux qui ne sont pas avec eux sont des mécréants. Tout ceci n'est que mensonge sur mensonge, qui sont forgés par les ennemis de l'islam et par les ennemis de la sunna. Par les ennemis de l'islam, à l'extérieur de l'enceinte de l'islam, et à l'intérieur même des musulmans, à travers les ennemis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et les plus farouches dans ce combat contre soi-disant le wahhabisme, ce sont bien sûr les soufis, ceux qui vénèrent les tombes, et ceux qui, wal'ayadu billah, demandent le secours aux tombes, et prennent les tombes comme un moyen d'intercession entre eux et Allah. Et inshallah ta'ala, on fera une conférence entière sur le wahhabisme, sur sa réalité, et nous répondrons inshallah ta'ala à l'ensemble des ambiguïtés qui sont diffusées à tort et à travers, et qui ont dupé malheureusement un certain nombre de personnes. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دي le livre du tawhid. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, le verset 56. Et vous verrez, et vous constaterez par vous-même, que le livre du tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ne contient que des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec quelques points qui sont des points dans lesquels on déduit ce qu'il y a dans ces versets et dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous verrez qu'à 90% du livre ne sont que des versets des hadiths. موضوع قال الشيخ الفوزان حفظه الله موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. Le sujet de ce livre est d'expliquer, d'exposer le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire envers ses serviteurs. Envers ses serviteurs. Il est obligatoire d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans ne rien lui associer. Et Allah les a créés pour cela. Et le sujet de ce livre également est de montrer et d'expliciter ce qui vient contredire ce tawhid parmi le grand polythéisme, Ash-Shirk al-Akbar, ou bien ce qui vient contredire sa complétude obligatoire ou préférable parmi le petit polythéisme ou les innovations. Donc, le tawhid est contredit par le grand polythéisme, par le petit polythéisme, mais également par les innovations. Et on a vu dans les nombreux cours précédents que al-bida' baridu al-kufr wa baridu al-shirk, que les innovations sont une voie qui amène wal-iyaz billah à la mécréance et au polythéisme. ومعنى كتاب مصدر كتب بمعنى جمع والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. Et la signification de kitab. Donc Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, dans ce livre où il explique dans son livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, utilise une méthode, comme il le dit, d'enseignement contemporaine dans laquelle Cheikh Hafidhahullah explique les termes. Il explique tout d'abord les termes, puis il donne le sens général, puis il donne le contexte, pourquoi est-ce que ce verset a été cité dans ce chapitre, pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre, quelle est la relation entre ce verset et le chapitre dans lequel il a été cité, et il termine, hafidhahullah, par citer les nombreux bénéfices ou al-fawa'id, ce que l'on retient de ces hadiths et de ces versets. Donc là, il explique ce que veut dire « kitab al-tawhid ». Kitab qui est le masdar. Et quand on dit le masdar, c'est l'ism al-mansoub alladhi yaji'u thalithan. Parce qu'on te dit de conjuguer un verbe. Par exemple, daraba, tu dis daraba yadribu darban. Et darban, c'est le masdar. C'est le troisième verbe qui vient, ou c'est le troisième nom qui vient lorsque l'on conjugue un verbe. Et concernant kataba, on dit kataba yaktubu kitaban. Donc kitab, c'est un masdar. Et kataba signifie en arabe jama'a, c'est-à-dire rassembler. Et écrire avec un stylo, c'est-à-dire rassembler un certain nombre de lettres et un certain nombre de mots. Un certain nombre de lettres et un certain nombre de mots. والتوحيد et le tawhid qui est le masdar de wahadahu, c'est-à-dire qui en a fait une chose unique, ja'alahu wahida. Et la signification ici de tawhid, c'est-à-dire d'unifier Allah Azza wa Jalla dans son adoration, de l'adorer lui et que lui seul, subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u shay'in min ghayri aslin wa lahtida'. Il explique le terme khalaqtu dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé. Créer signifie innover une chose min ghayri aslin, sans qu'il n'y ait de chose initiale. Wa bil ihtiva, et sans imitation. Et ceci est propre à Allah Azza wa Jal. Tous ceux qui créent des choses, celui qui va faire une table, il va faire une table à partir de du bois. Et il va imiter dans la table des personnes qui ont déjà fait des tables avant lui, ne serait-ce que sur le plateau par exemple et sur les quatre pieds. Il va peut-être innover sur le nombre de pieds, etc. À la kulli hal, il y a quelque chose d'existant avant. Alors qu'Allah Azza wa Jal a créé les djinns et les humains du néant. Et il n'a imité, subhanahu wa ta'ala, dans cela, aucune chose. Pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans notre verset, Badi'u samawati wal ard. Celui qui a créé sans que personne ne l'ait précédé, les cieux et la terre. ليعبدون العبادة في اللغة التذلل والخضوع وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Afin qu'il m'adore. L'adoration dans la langue arabe signifie التذلل والخضوع, c'est-à-dire le rabaissement et l'humilité. وشرعاً et le sens islamique, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agréé parmi les paroles, les actes, qu'ils soient apparents ou cachés. C'est la définition شرعاً, ou c'est une définition شرعاً de l'adoration. المعنى الإجمالي للآية, le sens général du verset. أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته فهي بيان للحكمة في خلقهم فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما أراد المصلحة لهم. Le sens général de ce verset. Allah عز وجل informe qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Il a donc montré la sagesse de leur création. Et Allah Azza wa Jal ne veut pas d'eux, il ne veut pas des djinns ni des humains, ce que veulent les maîtres de leurs esclaves. Qu'est-ce que les maîtres veulent de leurs esclaves ? De les aider dans leur pourvoyance et dans leur nourriture. وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمَصْلَحَةَ لَهُمْ. Mais Allah Azza wa Jal veut le bien pour eux. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour eux. وَمُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّوْحِيدِ الذي هو إفراد الله بالعبادة لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. Pourquoi ce verset a été cité dans ce chapitre, Kitab al-Tawhid? Il a été cité dans ce chapitre car ce verset prouve l'obligation du Tawhid, qui est le fait, comme je l'ai dit, d'adorer Allah seul. Car Allah Azza wa Jal n'a créé les djinns et les humains que pour cela. Allah n'a créé les djinns et les humains que pour le tawhid. ما يستفاد من الآية؟ أولا وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. Ce que l'on retient de ce verset. Premièrement, l'obligation d'adorer Allah seul, et cette obligation est dirigée vers l'ensemble des deux mondes, al-thaqalayn, al-jinn ou al-ins, vers les djinns et les humains. ثانيا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس On retient de ce verset la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les djinns et les humains. Thalithan, أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون ما سوى دون غيره مما لا يخلق ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. Troisièmement, on retient de ce verset que le créateur est celui qui mérite d'être adoré. Seul, contrairement à ceux qui n'ont pas créé. Ceux qui n'ont pas créé ne méritent pas d'être adorés. Et ceci est une réponse aux adorateurs des statues et autres qui adorent des choses qu'ils n'ont pas créées. Les statues ne sont pas des créateurs, mais des créatures. Elles ont elles-mêmes été créées, et le plus souvent, créées et façonnées de la main de ceux-mêmes qui les adorent. Wal'ayadu billah. رابعا بيان غنى الله عز وجل غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه لأنه هو الخالق وهم المخلوقون. Quatrièmement, on en déduit de ce verset également, on en retient qu'Allah عز وجل se passe de ses créatures. Et que ces créatures ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala, car c'est le créateur et ils sont créés. Et eux sont créés. Khamisan, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. L'attestation de la sagesse dans les actes et dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, lorsqu'il fait une chose, il le fait avec une sagesse derrière. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. La connaît celui qui la connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab cite le deuxième verset, le verset 36 de sourate An-Nahl, les abeilles, et nous avons envoyé à chaque communauté un prophète. Adorez Allah et abstenez-vous du tarot. Ba'athna arsalna fi kulli ummatin kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. رسولا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه اعبدوا الله أفردوه بالعبادة واجتنبوا اتركوا وفارقوا الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. Nous avons envoyé, walaqad ba'athna, ba'athna et arsalna, c'est-à-dire nous avons envoyé à chaque peuple, kullu ummatin, Cheikh Fawzan dit, hafidahullah, c'est-à-dire tout groupe, siècle et génération parmi les gens. Tout peuple, c'est-à-dire tout groupe, tout siècle et toute génération parmi les gens. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé? Un Rasoul. Et un Rasoul, sa définition, donc la définition d'un envoyé, c'est celui à qui Allah Azza wa Jalla a révélé une législation et qui a été ordonné de la transmettre. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à ses envoyés de transmettre à ses peuples? An ya'budu Allah, adorer Allah, c'est-à-dire adorez-le seul. Wajtanibu, et délaissez et séparez-vous. Délaissez et séparez-vous. Wajtanibu at-taghut, délaissez et séparez-vous du tarout. Et le tarout est un nom qui a pour origine At-Tughyan. Et At-Tughyan signifie dépasser la limite. Dépasser la limite. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en étant satisfait de cette adoration, est un tarot. Parmi les définitions de tarot, c'est celui qui est adoré en dehors d'Allah, en étant satisfait de cela. Sort du tarot ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, sans en être satisfaits, et voire même en le condamnant. Et ceci concerne des saints, des pieux qui étaient effectivement des saints et des pieux, connus pour leur piété, connus pour leur droiture, et lorsqu'ils sont morts au fur et à mesure des années et des siècles, les gens ont pris leur tombe comme un lieu d'adoration, un lieu de recueillement, etc., etc. Est-ce que l'on dit que ces défunts qui, durant leur vivant, étaient pieux sont des tarots ? Non, car ils n'ont pas accepté, ils ne sont pas d'accord, et ils n'agréaient pas ce qui est fait à leur encontre. المعنى الإجمالي للآية لسون جينيرال دو حديث دو فيرسي عفوا أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal informe qu'il a envoyé à chaque groupe, chaque siècle et chaque génération de gens un prophète, un envoyé, qui les a appelés à adorer Allah seul. Et à délaisser l'adoration d'autres que lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal n'a cessé d'envoyer, les envoyer vers les gens, et ceci depuis l'apparition du shirk, hamukallah, chez les fils d'Adam, et le shirk chez les fils d'Adam est apparu à l'époque de Nuhun alayhi salam, jusqu'à le dernier et le sceau des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Munasabatul ayati lil bab. Le motif d'avoir cité ce verset dans ce chapitre. Anna ad-da'wata ila at-tawhid wa an-nahy 'an ash-shirk hiya muhimmatu jami'i ar-rusuli wa atba'ihim. Pourquoi avoir cité ce verset ? Car d'appeler au tawhid et de mettre en garde et d'interdire le shirk était la préoccupation, était la première tâche de l'ensemble des prophètes et de ceux qui les ont suivis. Et ceci est une réponse à tous ceux qui disent « arrêtez de parler sur le tawhid ». Où il y en a maintenant qui disent que le tawhid n'est pas forcément la première chose par laquelle il faut commencer. Comment ces personnes osent-elles dire cela alors que c'est ce par quoi ont commencé les prophètes et envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont été envoyés dans des peuples qui étaient pires que les peuples que l'on connaît à notre époque. Chacun avait son égarement. Ils ont renié un prophète qui est venu à eux, qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu ces miracles vers des peuples qui faisaient des immenses péchés, qui adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient donc pires que l'époque que l'on vit actuellement. Et malgré cela, les prophètes et envoyés d'Allah, alayhi salam, ont commencé tout d'abord par le tawhid. Et, comme le dit Cheikh al-Fawzan, c'est la voie qu'ont emprunté l'ensemble des prophètes et de ceux qui les ont suivis. et qui ont suivi les prophètes et qui sont les héritiers des prophètes, les savants, qui, jusqu'à notre époque, appellent au tawhid. Si vous essayez de recenser le nombre d'explications qu'il y a du livre Kitab al-Tawhid, eh bien, je souhaite bon courage à celui qui va le faire. Les explications des savants du livre Kitab al-Tawhid, ou du livre Al-Usul al-Thalatha, ou du livre Kashf al-Shubuhat, les livres en général dans le Tawhid sont extrêmement nombreux. Et il n'y a pas un savant de la Sunna sans qu'il n'ait de multiples explications de livres sur le Tawhid et sans qu'il ne soit connu pour son appel au Tawhid et sans qu'il insiste sur le fait que c'est le Tawhid qu'il faut enseigner aux gens avant tout. Et ceci est une base de la religion. Celui qui n'appelle pas au Tawhid, c'est une personne douteuse. Au point même que maintenant des personnes disent que je préfère éviter le Tawhid car il sépare la communauté. Il divise les gens. Eh bien tant mieux si le Tawhid divise les gens. Car si le Tawhid divise les gens, il les divisera en égarés et il divisera les gens d'un côté ceux qui sont dans la vérité et de l'autre côté ceux qui sont dans le faux. Ceux qui veulent adorer Allah Azzawajal seul et ceux qui veulent prendre avec Allah Azzawajal des associés. Tant mieux si le Tawhid vient séparer cela pour que les gens voient de leurs propres yeux la vérité qui est pure, qui est simple et le faux qui est taché d'ambiguïté et de polythéisme et d'innovation qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Ma yustafadu min al-aya, ce que l'on retient de ce verset. أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. Premièrement, ce que l'on retient de ce verset, la sagesse pour laquelle Allah a envoyé les prophètes, c'est l'appel au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Regardez, la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les djinns et les humains, c'est le tawhid. Appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk. La sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes et envoyé, c'est pour appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk. ثانياً أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم وإن اختلفت شرائعهم. Le retient, deuxièmement, de ce verset, que la religion des prophètes est unique, qui est d'adorer Allah Azza wa Jalla en toute sincérité et de délaisser le shirk, même si leur législation est différente. Même si leur législation est différente, leur religion est unique et ils ont tous appelé à une seule et même chose. Adorer Allah seul sans le rien lui associer. ثالثا أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. Troisièmement, le retient de ce verset, que le message qu'Allah Azza wa Jal a confié à ses prophètes a été diffusé à l'ensemble des peuples. Et que la preuve est établie pour chaque serviteur, contre chaque serviteur. Car Allah Azza wa Jalla dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé à chaque peuple. Et comme l'a expliqué Cheikh Al-Fawzan, chaque peuple, c'est-à-dire chaque groupe, chaque siècle, et chaque génération. Donc tout le monde a été concerné par cet appel et tout le monde en a bénéficié. Rabi'an, عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. Quatrièmement, on en retient l'immensité et l'immense valeur du tawhid et qu'il est obligatoire envers l'ensemble des communautés. Personne n'a été exempté de cette obligation qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien lui associer. Khamisan, في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما وأن النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد. Cinquièmement, il y a dans ce verset ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé à chaque peuple un prophète. Qu'est-ce que ce prophète leur a transmis? De n'adorer qu'Allah et de délaisser le tarot. Il y a dans ce verset ce qu'il y a dans la ilaha illallah comme négation et affirmation. Négation, nier le toute autre divinité ou toute autre adoration, toute adoration à autre qu'Allah. Et affirmer, c'est-à-dire affirmer que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Il y a donc, dans la ilaha illallah, la ilaha, point de divinité ne mérite d'être adoré, illallah qu'Allah. Il y a la négation et il y a l'affirmation. Dans ce verset également, il y a l'affirmation et la négation. An i'budullah, adorer Allah, ça c'est l'affirmation. Wajtanibu at-taghut, et délaisser le taghut, c'est la négation. Et ceci prouve, ce verset prouve que le tawhid ne peut tenir debout qu'en rassemblant ces deux choses, à la fois l'affirmation et à la fois la négation. Et que de se contenter de la négation uniquement, cela n'est pas considéré comme du tawhid. De dire je n'adore pas les divinités. Ce n'est pas du tawhid. De même que l'ithbat al-mahd, de dire je n'adore qu'Allah, ceci n'est pas du tawhid. Il faut, pour que le tawhid soit véridique et soit authentique, il faut adorer Allah seul et il ne faut adorer avec lui personne d'autre que lui subhanahu wa ta'ala. وقال المؤلف رحمه الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإسراء الآية 23. Et la parole d'Allah عز وجل et ton Seigneur a décrété n'adore que lui, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers vos parents, envers le père et la mère. Le verset 23 de sourate Al-Isra. Qadha, qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qadha, amara wa wassa. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. ربك, الرب هو المالك المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمته. ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وبالوالدين إحسانا أي قضى أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. Et ton Seigneur a décrété. قضى, c'est-à-dire il a ordonné et recommandé. Décrété, c'est-à-dire ordonné et recommandé. Et lorsque l'on dit recommandé, ce n'est pas dans le sens de recommander, c'est-à-dire conseiller si tu le veux ou non. C'est recommandé, c'est-à-dire c'est une obligation. Et ce qui est voulu par le décret ici, c'est le décret religieux. Le décret d'Allah Azzawajal dans le point de vue religieux. Car on sait que Al-Qadha, il y a deux sortes de Qadha, il y a deux sortes de décrets. Il y a le décret juridique, il y a le décret universel. Allah Azza wa Jalla a décrété par le décret juridique de n'adorer que lui, et non pas par le décret universel. Pourquoi ? Car si Allah Azza wa Jalla avait décrété par son décret universel de n'adorer que lui seul sans ne rien lui associer, il n'y aurait sur terre aucun associateur. Il n'y aurait sur terre aucun associateur. Allah Azza wa Jal ordonne de n'adorer que lui et interdit d'adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu à plusieurs reprises, laisse le libre choix à ses serviteurs. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Donc Allah Azza wa Jalla a donné à la personne libre choix. Et lorsque la personne choisit l'un de ses choix, soit la foi, soit la mécréance, elle ne le fait que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car rien sur terre et dans l'univers ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton Seigneur, celui qui possède et celui qui a le pouvoir de gérer et celui qui gère. Allah Azza wa Jal qui gouverne et qui a éduqué l'ensemble des mondes de par ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. De n'adorer Allah ta'budu de n'adorer que lui, c'est-à-dire de l'adorer et de n'adorer personne d'autre que lui. Et marqué de la bonté envers le père et la mère, c'est-à-dire il a décrété de faire preuve de bonté envers les parents. Et ici aussi, le décret qui est voulu, c'est le décret juridique religieux. Et non pas le décret universel. Car, de la même façon, si Allah Azza wa Jalla avait décrété de بِقَضَائِهِ الْقَدَرِ الْكَوْنِ par son décret universel, personne sur terre ne serait ingrat et mauvais envers ses parents. Il a décrété que vous fassiez preuve de bonté envers vos parents de la même façon qu'il a décrété que vous l'adoriez et que vous n'adoriez personne d'autre que lui. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, le sens général du verset. Al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-sunni rusulihi an yu'bada wahdahu duna ma siwah wa an yuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan bil-qawli wal-fi'l ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. Le sens général du verset. Allah Azza wa Jal informe qu'il a ordonné et qu'il a recommandé et enjoint à travers la bouche de ses prophètes qu'il doit être adoré seul, sans autre que lui. Qu'Allah Azza wa Jal doit être adoré seul, sans associé. Et que l'enfant doit être bon et doit faire preuve de bonté envers ses parents, par la parole et par les actes. Par la parole et par l'acte. Et en aucun cas de leur porter préjudice. Car ce sont eux, c'est-à-dire ses parents, qui ont pris en charge son éducation lorsqu'il était en bas âge et lorsqu'il était faible, jusqu'à ce qu'il se renforce et qu'il ait atteint l'âge de la raison et de la puberté. Munasabatul ayat lil-bab. Pourquoi ce verset a été cité dans ce chapitre ? Anna at-tawhid huwa akadul huquq وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدئ إلا بالأهم فالأهم. Pourquoi ce verset a été cité dans ce chapitre ? Car le tawhid, c'est le droit le plus légitime. C'est le droit de qui envers qui ? Le tawhid. C'est le droit d'Allah envers ses serviteurs. C'est le droit le plus appuyé, le plus important qu'Allah a envers ses serviteurs. Et c'est la plus obligatoire des obligations. وَهِيَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ C'est l'obligation la plus prononcée. Pourquoi ? Car Allah a commencé par cela dans ce verset. وَقَضَى رَبُّكَ Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Car Allah a commencé par cela dans ce verset, et Allah ne commence que par la chose la plus importante, et ainsi de suite. Allah ne commence que par la chose la plus importante, et ainsi de suite. Les choses qui sont citées par ordre d'importance. مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ Ce que l'on retient de ce verset. أَوَّلًا أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وهو أول الحقوق الواجبة على العبد Premièrement que le tawhid est la première chose qu'Allah a ordonnée parmi les obligations. Et quand vous ouvrez le mushaf, quel est le premier ordre que vous lisez ? Ya ayyuha an-nas u'budu ربكم الذي خلقكم. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et le premier, la première interdiction quand vous ouvrez le mushaf, c'est فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et ne prenez pas des semblables à Allah, c'est-à-dire n'adorez pas des autres divinités à Allah, alors que vous savez. Donc la première obligation, premier ordre dans le Coran, lorsque vous ouvrez le mushaf, c'est adorer Allah. Et le premier, la première chose interdite dans le mushaf, lorsque vous l'ouvrez, c'est ne prenez pas de semblables et de divinités en dehors d'Allah. Donc le tawhid, c'est la première chose qu'Allah a ordonnée parmi les choses obligatoires. Et c'est le premier droit que Allah a envers ses serviteurs. ثانياً ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. Donc ici aussi. Il y a dans ce verset ce qu'il y a dans la ilaha illallah comme affirmation et négation. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. أَلَّا تَعْبُدُوا De n'adorer pas, ici c'est la négation, n'adorer que lui. Que lui, ici c'est l'affirmation. Cela prouve encore une fois que le tawhid est basé sur à la fois la négation et l'affirmation. Thalithan, 'azamatu haqqillah haqqil walidayn haythu 'atafa haqqahuma 'ala haqqihi wa ja'a fil martabati ath-thaniyah. Troisièmement, l'immense importance des droits des parents. Les droits des parents envers qui ? Envers leurs enfants. Car Allah Azza wa Jal a cité son droit après le droit des parents. Allah Azza wa Jal a cité son droit qui est d'être adoré seul sans le rien lui associer. Naam. Afwan. Il a cité son droit avant le droit de des parents. Ou il a cité le droit des parents après le droit d'Allah subhanahu, après son droit subhanahu wa ta'ala. Et ceci montre l'immense importance de d'être bon avec ses parents. Rabi'an. وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان لأنه لم يخص نوعا دون نوع. Quatrièmement, l'obligation de faire preuve de bonté envers ses parents, et ceci quelle que soit la forme de cette bonté. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié une nature bien précise de bonté et marqué de la bonté envers le père et la mère. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit comment? Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est par l'acte? Ou est-ce que c'est par les deux? La réponse est, c'est par toutes sortes de bonté. Tu dois être bon envers tes parents sous toutes les formes de cette bonté. Et sous tous les sens que renferme ce terme bonté, ce terme ihsan, bonté, la bienfaisance. Khamisan, tahrim uquq alwalidain. Cinquièmement, on retient de ce verset l'interdiction de manquer de respect, d'être mauvais envers ses parents. Car si Allah Azza wa Jalla t'ordonne d'être bon envers eux, c'est qu'il t'interdit d'être mauvais envers eux et d'être malfaisant envers. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab dit, et sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal, est adorer Allah et ne lui associer rien. Et adorer Allah et ne lui associe rien, le verset 36 de Surat An-Nisa. La tushriku, qala Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, la tushriku utruku shirk, wa huwa taswiyatu ghayri Allahi billah, fima huwa min khasaisillah. Shay'an nakiratun fi siyaqin nahi, fata'ummu shirk kabirahu wa saghirahu. Et adorer Allah et ne lui associe rien. Ne lui associer la tushriku, c'est-à-dire délaisser le shirk. Délaisser le polythéisme. Qu'est-ce que le shirk? Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit, c'est de mettre au même niveau autre qu'Allah, avec Allah, dans ce qui fait partie des فَسِمَا هُوَ مِنْ خَصَائِسِ اللَّهِ, dans ce qui est propre à Allah. C'est de mettre au même niveau, autre qu'Allah, avec Allah, dans ce qui est propre à Allah. C'est ça la définition du shirk. L'adoration, est-ce qu'elle est propre à Allah Azza wa Jal? Le fait de mettre au même niveau dans l'adoration autre qu'Allah avec Allah, tu as fait du shirk. Shay'an, rien, nakiratun fi siyaqin nahi. C'est un mot indéfini, shay'an qui veut dire rien, qui est indéfini dans un contexte de négation et d'interdiction. Ceci est une règle connue dans la langue arabe, que lorsque l'on cite une chose indéfinie dans un contexte où on l'interdit, cela englobe tout ce que cette chose, tout ce que ce mot indéfini renferme comme sens et signification. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a dit, ne lui associez rien. Ceci englobe l'ensemble du shirk, que ce soit le grand ou le petit. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, ne lui associez rien, c'est-à-dire, ne lui associez rien, ne lui associez rien du tout. Quelle que soit cette chose, vous ne devez pas l'associer à Allah Azza wa Jalla. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرها ليعم الأمر جميع أنواع العبادة ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal ordonne ses serviteurs de l'adorer seul sans ne rien lui associer. Lorsqu'il a dit « Wa'budullah » et « adorer Allah ». Et il leur interdit le shirk. Lorsqu'il le dit « Wa la tushriku bihi shay'a ». Et Allah Azza wa Jal n'a pas spécifié une nature parmi les natures de l'adoration. Il n'a pas spécifié une façon précise d'adoration. Il n'a pas dit, il n'a pas parlé d'invocation, ni de prière, ni autre. Il n'a pas dit, invoquez-moi et ne m'associez pas. Non, il a dit, adorez-moi. C'est-à-dire, toutes sortes, cela concerne toutes sortes et toutes formes d'adoration. Et il n'a pas spécifié une nature parmi les natures du shirk, afin que cela englobe l'ensemble des natures du shirk, du polythéisme. Munasabatul ayati lil bab. Pourquoi ce verset était cité dans ce chapitre? Annaha btada'at bil amri bit tawhid wa an-nahy 'an ash-shirk, fa fiha tafsir at-tawhid bi annahu 'ibadatullah wahdahu wa tark ash-shirk. Car ce verset a commencé par l'obligation du tawhid et l'interdiction du shirk. Il y a donc dans ce verset l'explication du tawhid, qui est d'adorer Allah seul et ne rien lui associer. Ma yustafadu min al-ayah. Ce que l'on retient de ce verset. Awalan wujub ifrad Allah bil ibada, li'anna Allah amara bidhalika awalan fa huwa akad al-wajibat. Premièrement, que l'on doit adorer Allah Azza wa Jal seul. Car Allah a ordonné cela en premier. C'est donc l'obligation la plus avérée et la plus prononcée, qui est la plus appuyée. Thaniyan tahrimu shirk, li'anna Allah naha anhu, fahu ashaddu al-muharramat. Deuxièmement, l'interdiction du shirk, car Allah l'a interdit, et c'est le plus grave des interdits. ثالثا ان اجتناب الشرك شرط في صحه العباده لان الله قرن الامر بالعباده بالنهي عن الشرك. Troisièmement, que de délaisser le shirk est une condition pour la validité de l'adoration. Car Allah a cité l'ordre de l'adorer avec l'interdiction de lui associer, autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait cité l'un après l'autre, signifie que l'un ne peut être valide sans l'autre. Ainsi, celui qui adore Allah Azza wa Jalla nuit et jour, mais qui adore avec Allah autre qu'Allah, eh bien son adoration est nulle. La in ashrakta, si tu associes tes œuvres seront vaines. Et Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant des prophètes et envoyés d'Allah, dans sourate Al-An'am, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a cité les multitudes de prophètes et envoyés, Allah Azza wa Jalla dit vers la fin du verset, et s'ils avaient associé, il aurait aboli tout ce qu'ils avaient fait comme œuvre. Et est-ce que des personnes adorent mieux Allah que des envoyés? Est-ce que des personnes sont plus sincères dans leur adoration que les envoyés d'Allah Azzawajal? Malgré cela, s'ils avaient associé Allah Azzawajal, eh bien Allah Azzawajal aurait anéanti leur œuvre. Aurait anéanti leurs œuvres qu'ils auraient faites. Donc, de délaisser le shirk est une condition pour que l'acte soit accepté et valide. Pour que l'adoration soit acceptée et valide. Rabi'an, anna shirk haramun qalilahu wa kathirah, kabirahu wa saghirah, li'anna kalimata shay'an nakiratun fi siyaqin nahi, fata'ummu kulla dhalik. Quatrièmement, que le shirk, le polythéisme, est interdit en petite quantité ou en grande, en petite quantité et en grande quantité, le grand shirk comme le petit. Car le terme shay'an, rien, qui est indéfini, dans un contexte d'interdiction, englobe tout chose, englobe tout le shirk. Khamisan. Ce ne veut pas dire que le grand shirk est comme le petit. Le grand fait sortir de l'islam et le petit ne fait pas sortir de l'islam. Mais les deux sont interdits. Les deux sont interdits. Et concernant le grand shirk, qu'il soit fait en petite quantité ou en grande quantité, cela est similaire et semblable. C'est la même chose. Que tu fasses, que tu invoques 100 fois autre qu'Allah, ou que tu invoques une fois autre qu'Allah, tu es un mushrik. Et tu sors de l'islam. Pour cela que les savants disent que celui qui invoque autre qu'Allah, ne serait-ce qu'une invocation, il sort de l'islam. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, ne serait-ce qu'une bête, sort de l'islam. Donc il faut bien prendre en compte cela. On ne parle pas de personnes qui le font de façon habituelle. Cela, wal'iyadu billah, leur cas est grave. Mais on parle de le faire ne serait-ce qu'une seule fois. Pour cela que le shirk est une chose extrêmement grave et la personne n'a pas le droit de tomber dedans ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Khamisan, annahu la yajuzu an yushraka ma'a Allahi ahadun fi ibadatihi, la malakul muqarrab, wala nabiyun mursal, wala nabiyun, wala salihun min al-awliya'i, wala sonam, li'anna kalimata shay'an ammatun. Cinquièmement, qu'il est interdit d'associer avec Allah autre que lui, dans son adoration. Ni un ange, tu n'as le droit d'associer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ni un ange, ni un prophète, ni un pieux, ni un vertueux, ni une idole ou une statue, car le terme rien dans le verset et ne lui associe rien englobe tout cela. Englobe tout cela. Wa naktafi bihadha al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك et terminera إن شاء الله تعالى la semaine prochaine بإذن الله.